أنا سعيد أن أكون موجودا معكم. Je suis très ravi de me trouver ce soir avec vous. هذه هي المرة الثانية التي أكون فيها في باريس. C'est la deuxième fois que je me trouve à Paris. خلال أقل من سنة. Dans un laps de moins d'un an. أنا قادم هذه المرة من أمريكا. Je viens maintenant de l'Amérique. تعودت للمرة الثانية أن أقوم بجولة كرازية حول دول أوروبا. Je me suis habitué de faire régulièrement une visite dans plusieurs pays européens. أنا خلصت في كرازة في ألمانيا 8 أيام. J'ai exercé un service en Allemagne pendant 8 jours. And واسكتلندا 4 أيام. Ainsi qu'en Écosse pendant 4 jours. وهنا استمر حوالي 9 أيام. Je vais rester en France à peu près 9 jours. ثم أذهب إلى لندن 4 أيام. Puis je reviens en Angleterre à Londres pour 4 jours. ثم إلى بيروت. Puis je vais me rendre à Beyrouth. حيث ننشئ أول كنيسة للمتنصرين في العالم. On va inaugurer la première église des convertis musulmans au christianisme dans le monde. لأنه وقت للرب الآن. Parce que c'est le temps du Seigneur qui arrive. بلاد أيديكم. Votre pays est en train de se perdre de vos mains. أخبرني صديق أن في فصل ابنته. Un de mes amis m'a raconté que dans la classe de sa fille. عدد التلاميذ 28. Le nombre des élèves est 28. 25 مسلم. 25 sont musulmans. وثلاثة. Et 3 chrétiens. خلاص أصبحنا أقلية في بلادنا. Donc vous allez devenir une minorité dans votre propre pays. وأنتم تعرفون الإسلام. Et vous, je crois, vous savez qu'est-ce que c'est l'islam. الإسلام لا يعترف بالآخر. L'islam ne reconnaît jamais l'autre. معنا أساتذة. Nous avons parmi nous des grands professeurs, des grands érudits. علماء. Des grands savants. غاصوا في الإسلام. Ont déjà bien plongé dans l'histoire de l'islam. وهم يعلمون. Et ils savent très bien. أنني أقول الحقيقة. Que ce soir, ce que je dis est vrai. قال محمد رسول الإسلام. Mahomet, l'apôtre de l'islam, a dit. في النزع الأخير. À la fin du monde. لا يكون في أرض العرب دينان. Il a dit, excusez-moi, à la veille de son décès. Il n'y aura pas deux religions dans la terre des Arabes. L'autre qui n'est pas musulman n'est pas la bienvenue sur la terre d'islam. Vous n'arrivez pas à saisir ce qui se passe avec le musulman qui se convertit au christianisme. Nos voix sont étouffées. أصواتنا مبحوحة. Nous avons un grand problème de faire entendre nos voix. لا أحد يستمع إلينا. Personne ne nous écoute. خاصة أننا كنيسة تحت الأرض. Surtout que nous sommes une église souterraine. نحن نصل إلى 7 مليون متنصر. Nous sommes devenus presque 7 millions convertis. لكن المطلوب مننا. Mais on nous demande. أن نكتم إيماننا في السر. De garder en silence notre foi chrétienne. والرئيس مرسي الذي هو في السجن الآن. Et le président Morsi qui est actuellement en prison. طلب مني شخصيا. M'a demandé personnellement. كزميل معي أستاذ جامعة معي. Comme un ancien collègue qui était professeur à l'université là où j'étais moi-même. لا تتكلم. N'en parle pas. لا ترفع صوتك. N'élève pas ta voix. احتفظ بإيمانك في سرك. Conserve ta foi pour toi-même. Et personne ne va te persécuter. Mais au moment où tu vas parler, tu vas annoncer que tu es chrétien, cela veut dire que tu es en train de mépriser l'islam. Et il faut te tuer. J'ai refusé de retourner en Égypte. وأن أكتم صوتي. Et de tenir silence. لأنني أرى نفسي مثل بولس الرسول. Parce que je me considère comme Saint Paul. لم يأتي بربي إلى هذه الكنيسة أو إلى هذا الإيمان. Le Seigneur ne m'a pas donné cette foi pour rien. لكنه لغرض. Mais pour un objectif bien précis. الذي يجلس أمامكم الآن. Celui qui est assis en face de vous maintenant. عميد كلية إسلامية. Comme vous l'avez entendu, il était doyen d'une faculté de théologie islamique. مسؤول عن تخريج ألف إمام مسجد كل عام. Était responsable de la formation de plus de 1000 imams par an. ألف إمام صغير. Donc il y avait à peu près 1000 imams qui étaient encore tout petits. لكنه بيكبر مع الشر. Mais avec le mal, il devient de plus en plus grand. غرضي من هذه الخدمة. L'objectif de mon service maintenant. أن أدافع عن حقوق المتنصرين. C'est de défendre les droits des convertis. إخواتي الأقباط. Mes frères les Coptes en Égypte. يهتمون فقط بحقهم. Ils s'occupent uniquement de leurs droits. ويطالبون بالمساواة. Et exigent qu'il y ait égalité entre eux et les musulmans. لأنهم فعلا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. Parce qu'ils sont considérés comme citoyens de deuxième ou troisième classe. لكن العجيب. Mais l'étonnant. لا يعتبرونني أنا. On ne me considère pas moi aussi. كمتنصر. Comme un converti au christianisme. أستحق أصلا الحياة. Comme quoi j'ai droit à la vie. وفرق بين الذي يبحث عن المساواة. Et la différence entre celui qui cherche l'égalité. وبين الذي يبحث عن حق الوجود. Et celui qui cherche son droit à l'existence. لذلك الكنيسة تطلب منا أن نسكت. C'est pourquoi l'Église nous demande de se taire. معي أكثر من 28 صارخ الآن يقولون لي نريد أن نتعمد والقصص يرفضون ويخافون. J'ai maintenant à peu près 28 personnes qui me réclament. Nous voulons nous baptiser, mais les prêtres en Égypte ont peur, ne veulent pas nous baptiser. من خلال الإنترنت. À travers l'Internet. تعرفت على خادم في كنيسة رسولية قس رسولي. J'ai fait la connaissance d'un pasteur apostolique. عرض علي أن آتي. Il m'a proposé de venir. إلى لبنان. D'aller au Liban. ونفتتح أول كنيسة للمتنصرين في العالم. Et d'inaugurer la première église pour les convertis musulmans au christianisme. سيكون الصوت عاليا باسم الرب يسوع. Donc, notre voix va être haute. لن نسكت على اضطهادنا. Nous n'allons pas nous taire à cause de notre persécution. وقتلنا بدم بارد. Et de nous avoir tués de façon froide. واغتيال سمعتنا. Et en même temps de nous diffamer. لن نسكت على حقوقنا المهضومة. Nous ne voulons pas nous taire pour nos droits qui sont totalement bafoués. أطلب منكم الصلاة. Tout ce que je vous demande, c'est la prière. لأجل هذه الرسالة. Pour cette mission. لقد دعاني الرب يسوع إلى هذا العمل. Le Christ m'a appelé pour m'engager dans cette mission. تركت الجامعة ميريلاند كأستاذ. J'ai abandonné l'université de Maryland en tant que professeur. وهي واحدة من أكبر 13 جامعة على مستوى العالم. Qui est l'une des 13 grandes universités au niveau mondial. لأن الرب خاطبني بصوت عال. Parce que le Seigneur m'a appelé à haute voix. وقال لي. Et m'a dit, إذا الضرورة موضوعة علي. Il y a une nécessité maintenant, il faut que tu t'engages dans cette mission. وقمت وقلت ها أنا يا رب. Et je réponds, Seigneur, me voici, Seigneur. سأعمل يا رب من أجلك. Je vais agir pour ta cause, Seigneur. والآن أنا سفير يسوع المسيح حول العالم. Et maintenant, je me considère comme l'ambassadeur du Christ partout dans le monde. أي شرف هذا. C'est un grand honneur que j'ai. أن أكون مجرد بروفيسور ولا أن أكون سفير يسوع المسيح. Quel est le grand honneur, c'est d'être un simple professeur ou bien d'être l'ambassadeur du Christ. طبعا العالم لا يحترم الخادم. Eh bien le monde ne respecte pas le serviteur du Christ. لكن متى كنا من هذا العالم؟ Mais quand est-ce que nous étions de ce monde؟ لقد قال المسيح. Le Christ nous a dit. لست من هذا العالم. Vous n'êtes pas de ce monde. كما أني لست من هذا العالم. Comme je suis moi aussi, je ne suis pas de ce monde. ولذلك أقول لكم صلوا من أجلنا. C'est pour cette raison je vous répète et je vous demande de prier pour nous. الطريق صعب. Le chemin est très difficile. ونعلم أننا قد ندفع حياتنا. Et nous savons très bien que nous allons peut-être sacrifier nos vies. لكننا نعلم أين سنكون. Mais nous savons très bien où nous allons après. عندما كنت مسلما. Lorsque j'étais musulman. لم أكن أعلم أين سأكون. Je ne savais pas où je serais. كنت لا أنام الليل. Je ne dormirai jamais la nuit. أعطتني الدنيا كل شيء. Dans la vie, j'ai eu tout ce que je souhaitais. حصلت على الدكتوراه في 29 من عمري. J'avais 29 ans lorsque j'ai eu mon doctorat. أصبحت عميدا في 41 من عمري. Je suis devenu doyen d'une faculté à l'âge de 40 ans. والذين كانوا يحكمون مصر كلهم أصدقائي. Et ceux qui gouvernaient l'Égypte autrefois étaient tous presque mes amis. ولكن اخترت النصيب الصالح. Mais j'ai choisi un autre chemin pour prendre la voie du Seigneur. حتى تعلموا الحقيقة. Pour savoir vraiment la vérité. كانوا رؤساء ووزراء وكبار. La plupart d'entre eux étaient des ministres, des députés et des grands commis d'État. وقيل لي في أمريكا. On m'avait dit en Amérique. هؤلاء أصحابك. Voilà, ce sont vos amis là-bas. انظر أين أنت. Regardez où est-ce que vous êtes vous-même. وانظر أين أنا. Et regarde où est-ce que je suis maintenant. وانظر أين هم. Et regardez où est-ce qu'ils sont eux-mêmes. أجيبهم الآن أمامكم. Je leur réponds maintenant devant vous. هم الآن في السجن. Ils sont tous actuellement en prison. وأنا الآن حر. Et moi je suis libre. وأنا الآن أتكلم باسم يسوع. Et je parle maintenant au nom du Christ. لأني لم أجري وراء مملكة على الأرض. Parce que je n'ai pas couru derrière un royaume terrestre. ولا شيء زائل. Et tout est vain. دعوني أخبركم شيئا عن قصتي. Je voudrais vous raconter quelque chose sur ma vie. لنعطي المجد لرب المجد. Que le Seigneur soit glorifié. ونمجد الرب لأنه يعمل. Nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il agit en nous. هو الذي اختارني. C'est lui qui m'a choisi. كنت أريد أن أكون مؤمنا لكني لم أختاره. Je voulais être un bon croyant mais je n'ai pas choisi le Seigneur. لكنه قال لي. Mais il m'a dit. لقد اخترتكم وأقمتكم. Je vous ai choisi. لستم أنتم اخترتموني. Vous ne m'avez pas choisi. بل أنا اخترتكم. C'est moi qui vous ai choisi. وأقمتكم. Et je vous ai installé. لتذهبوا. Et je vous ai demandé. ويكون لكم ثمر. D'aller prêcher dans le monde. ويدوم. Des fruits. ثمركم. Et que vos fruits soient permanents. أبدأ من حياتي الباكرة. Je commence avec ma vie un petit peu précoce. عائلة مسلمة بسيطة. Je suis né dans une famille musulmane très simple. تقضي وقتها في العبادة أكثر من أي شيء. Qui passait sa vie davantage dans l'adoration et le culte, beaucoup plus que dans d'autres choses. نحن ننتمي إلى الصعيد. Nous appartenons au Saïd, c'est-à-dire la région un petit peu éloignée de l'Égypte, au sud de l'Égypte. بعيدين إلى حد ما عن حضارة القاهرة والإسكندرية. Nous étions très loin de la culture, de la civilisation, de la modernité, du Caire et de l'Alexandrie. بسطاء. Nous étions des gens très simples. يمثل الدين أهم شيء في حياتنا. La religion était tout dans notre vie. الشيخ في القرية أو في المدينة الصغيرة. L'imam dans le village. يلعب دور الزعيم والقائد. C'est lui qui joue le rôle du leader politique et du et de l'homme de religion. فهو الحكيم. Celui, le docteur, le médecin. والطبيب. Ainsi. والقاضي. Et celui, le juge également. والمزوج. Et celui qui marie les gens. والمعالج. Et celui qui traite et soigne les gens. وطبيب القلب والروح. Donc, il était le médecin du corps et de l'âme. نشأت أحفظ القرآن. Donc, j'ai commencé à apprendre. أصلي كثيرا. De prier beaucoup. لكن كانت هناك أسئلة أمامي. Mais j'avais toujours des questions, des interrogations dans ma vie. لم أكن مقتنعا بأن هذا دين. Je n'étais pas du tout convaincu que c'était une vraie religion. لأنني منذ نعومة أظفاري نشأت على القراءة. Parce que depuis mon enfance, j'ai commencé à lire. J'aimais beaucoup la lecture. اتسعت رؤيتي. Mon horizon s'est un petit peu élargi. عندما بدأت أنظر إلى هذه الأشياء كنت أكتمها. Chaque fois que je regardais les choses un petit peu et j'arrivais à apprendre beaucoup de choses, je les gardais pour moi. Des choses étonnantes. Aucune personne ne pouvait les croire. J'ai lu le Coran. Mais lorsque j'ai trouvé beaucoup de difficultés dans la lecture, j'ai eu peur d'apostasier. Parce que le Coran dit exactement: Ya ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum. Ne posez pas des questions concernant des choses qui pouvaient vous faire du mal. Hadha ya'ni, cela signifie, idha sa'alt, si je pose une question, wa 'arafta al-haqiqa, et j'arrive à connaître la vérité, sa'asbuhu kafiran, je serai un mécréant, wa sa'afqidu ilahi, et je vais perdre mon Dieu. Tamaman, exactement comme le bédouin était autrefois dans le désert, il faisait un dieu à partir d'un petit fruit de palmier, d'une date, et il adorait la date, et s'il avait faim, il le mangeait. J'ai eu peur de manger mon Seigneur. Je me suis éloigné et j'ai eu toutes mes questions. Ainsi j'ai grandi. Un jour, on m'a dit: est-ce que vous voulez devenir le responsable de la faculté qui forme les imams? J'étais très content. Je serai responsable de ces anges. Ils ont une foi tellement forte. Je me critiquais régulièrement. Je m'accusais que je n'avais pas une foi solide. J'ai essayé de compenser tout cela avec beaucoup de prières. J'ai multiplié la lecture du Coran. ولكن القرآن ولا الصلاة تعطي. Mais ni le Coran ni la prière ne pouvaient pas me satisfaire. ما فيش فروت, ما فيش real relationship. Il n'y avait pas de relation directe avec le Seigneur. ما فيش حاجة. Il n'y avait aucune relation qui puisse me permettre de dire voilà, je suis en contact intime avec le Seigneur. الصلاة عاملة زي ما تكون exercise. La prière n'était rien d'autre qu'un exercice régulier. Et chaque fois que je lisais le Coran, je devenais de plus en plus diabolique. Parce que j'y trouvais vraiment dans le Coran la voix du diable. Mais j'ai bien souhaité de devenir responsable de cette mission. Et j'ai commencé mon travail. J'étais vraiment content. Mais de cette manière, j'ai tout découvert. Et rapidement. Parce que j'avais un bon cœur, je croyais tout. Mais ils étaient des gens vraiment très hypocrites. Ils mentaient. Ils trompaient les étudiants dans les examens. Ils n'étaient pas du tout des gens crédibles comme je le croyais. Et la faculté où j'étais, c'était la faculté du terrorisme au sein de l'université. Le nombre des étudiants de l'université là où j'étais monté à plus de 40 000. Les élèves de ma faculté étaient 5 000. Mais ces 5 000 étaient capables de fermer l'université et de faire des manifestations en permanence. Une fois, ils ont demandé d'aller faire la guerre. Et ils ont arrêté les études. فقلت لهم ماذا تريدون؟ Je leur avais demandé qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. ورئيس الجامعة قال لي كليتك هي السبب. Et surtout le recteur m'a dit votre faculté est la raison de cette anarchie à l'université. إذا ما شفتش حل سأستدعي قوات الأمن المركزي. Si vous n'allez pas trouver une solution, je vais appeler la police. قوات نوت بوليس قوات الأمن المركزي سبيشال. Et cette police est une unité spécialisée concernant l'antiterrorisme. Qui sont vraiment très fermes et très sauvages. Ils sont capables de tuer même leurs parents. J'ai eu peur pour mes enfants et pour mes filles. J'ai voulu faire face à cette situation. J'ai demandé aux étudiants, qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons aller faire la guerre. Où est-ce que vous voulez faire la guerre ? Les uns disaient, nous voulons aller faire la guerre en Afghanistan. Et d'autres voulaient aller libérer Jérusalem. J'ai demandé, ceux qui veulent aller libérer la Palestine, qu'ils viennent ici. Et ceux qui veulent aller en Afghanistan, de l'autre côté. Afin qu'on puisse vous préparer des passeports. Et vous entraîner, vous former militairement. Afin que vous puissiez faire la guerre. Et à ce moment-là, on pourrait vous préparer pour le voyage. J'ai regardé à droite et à gauche. Je n'ai pas trouvé un seul étudiant. Tout le monde est parti. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils étaient vraiment des arnaqueurs. C'est la même chose que nous avons vu avec le régime des frères musulmans en Égypte. Tout est la propagande. Il n'y a rien ne peut se passer. Seulement la chose la plus significative, ceux qui ont cru que la victoire va venir comme ça sur un plateau facile, ont prouvé l'échec de l'islam au niveau de la pratique. Imaginez en 10 mois seulement, من حكم الإخوان لمصر. Sous le gouvernement des frères musulmans en Égypte. أوصلوها لكل المستوى الذي نراه. Ils ont amené ce pays à tous les niveaux les plus bas. المهم أنني اكتشفت أولادي. À ce moment-là, je peux dire, j'étais content d'avoir découvert mes enfants. ولم أحزن عليهم بقدر ما حزنت على نفسي. Je n'ai pas été triste pour eux comme j'étais triste pour moi-même. كنت فرحان إني سأتعلم منهم الإيمان الحقيقي. Je croyais être en mesure d'apprendre ce que c'est la vraie foi. كنت أؤمن ببراءتهم والنقاء القلب فيهم. Je croyais à la pureté du cœur chez eux. لكنني صدمت. Mais j'étais vraiment déçu. وقررت أن أبحث. À ce moment-là, j'ai décidé de chercher. لكنني عندما أقرأ أقرأ بخوف. Plus je lisais, plus j'avais la peur. أقرأ وأنا مقيد. En lisant, je me trouvais vraiment enchaîné. وخائف. Et en ayant la peur au cœur. ولا يستطيع أحد الشرقي بالذات لا يستطيع أن يعيش من غير إله. Et je ne pouvais pas vivre sans un Dieu. Surtout un oriental est toujours dépendant d'un Dieu. الإله ده من مكونات حياته على الأرض. Un dieu est un élément constitutif de la vie d'un oriental sur terre. لذلك لم أكن أستطيع أن أتخلى عن إلهي. C'est pourquoi je ne pouvais pas renoncer à mon Dieu. استمرت حياتي بين هذا وذاك. Donc ma vie a basculé entre celui-ci et celui-là. لكنني بدأت أشك فيهم. Mais j'ai commencé à douter de l'islam. بدأت أبتعد عنهم. J'ai commencé à m'éloigner des musulmans. أيضا رفضت طالبات المنقبات. Même les étudiantes qui portaient le niqab ont renoncé de rejeter le niqab. Les filles ne voulaient pas enlever le voile pendant les examens. Et il n'y avait que 17 étudiantes. Eh bien, j'ai renvoyé tout le monde chez elles. À ce moment-là, on a appelé dans toutes les mosquées à assassiner le doyen. Parce qu'il disait qu'il est contre l'islam. Donc, ils étaient contre moi, ils ont menacé mes enfants. Ils ont menacé mes enfants de les enlever et de les assassiner. J'ai reçu pas mal de menaces, mais je ne me suis pas tu. قررت أن تكون معركتي الأخيرة. قررت أن تكون معركتي الأخيرة. J'ai décidé que ce soit ma dernière bataille. إما أنا أو هم. Ou bien moi ou bien eux. لأنني إذا تركت البلد. Parce que si je quitte le pays. إذا سكت. Si je me tue. ستضيع مصر. Eh bien l'Égypte va se perdre. وبالفعل هي ضاعت. Et effectivement, l'Égypte s'est perdue. لكنني رأيت قبل أن يحدث الطوفان. Mais j'ai vu les choses avant que l'inondation arrive, le déluge arrive. كانت كل هذه الأحداث في التسعينيات. Tous ces événements ont eu lieu dans les années 90 du siècle dernier. وتحققت أمامكم في عام 2011. Et tout s'est réalisé devant vous en l'an 2011. كنت أدق أجرس الخطر. À ce moment-là, j'ai sonné les cloches du danger. لكن لا أحد يسمع إلي. Mais personne ne m'écoutait. المهم أنني بدأت أدخل في مواجهة. L'important c'est que je suis rentré déjà dans une confrontation. معهم على طول الخط. Avec les islamistes. لكن الشيء المرعب أنني بدأت أبتعد عن الإسلام. Mais l'important c'est que j'ai commencé à m'éloigner de l'islam lui-même. كل مرة أكتشفهم أبتعد خطوة عن الإسلام. Plus je découvre, j'ai découvert des islamistes, plus je m'éloignais de l'islam. حتى أصبحت لا مسلم ولا مؤمن بأي إيمان. De telle sorte que je suis devenu un non-musulman et un non-croyant. لكنني لم أستطع أن أتكلم. Mais je ne peux pas du tout parler. لكن حصلت في بداية التسعينات أيضا. Mais au début des années 90, il y a eu quelque chose qui a eu lieu. ظهارات للسيدة العذراء في مدينة أسيوط الصعيدية. Les apparitions de Notre-Dame dans la ville de Asyut en Égypte. ونشر عنها في كل الجرائد المصرية. Et toute la presse en a parlé. وكان طالب عندي يعمل صحفي. Il y avait un de mes étudiants qui travaillait dans la presse. كان شيوعيا. Qui était un communiste. وكتب الصفحة الثالثة كلها وصور صور أحداث الظهورات. Il en a parlé sur une page complète dans la presse avec des photos sur les apparitions. نور السيدة العذراء. La lumière de Notre-Dame. والطيور بالليل. Ainsi que les oiseaux la nuit. وكأن هذه رسالة لي. Comme si c'était une mission ou bien un appel qui m'a été adressé. قمت وسألته كان اسمه عبد الرحيم علي هو متخصص الآن في دراسات الجامعات الإسلامية. Ce monsieur, je lui ai posé la question et il est actuellement spécialisé dans les questions islamiques. سألته. Je lui ai posé la question. هل اللي انت بتكتبه ده حقيقي؟ Ce que tu viens d'écrire de publier dans la presse est vraiment est vrai. قال لي انت تعرف ان انا مش ديني. Il m'a répondu, vous savez bien que je ne suis pas quelqu'un partisan de la religion, je suis communiste. Moi, j'ai écrit ce que j'ai vu. Et c'était une autre confrontation, un autre choc pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi Mahomet n'apparaît pas? Pourquoi la femme de la première femme de Mahomet, Khadija, n'apparaît pas comme ça? Ou bien l'autre femme, Aïcha. Alors que Mahomet a dit, prenez la moitié de votre religion de cette jeune femme, Aïcha. Donc, il me semble que le christianisme est quelque chose de véridique. Et j'ai commencé à ce moment-là à penser. Et de ne plus dormir. والكتابة تعلم الإنسان أن يكون عاطفيا إلى حد ما. parce que j'étais quelqu'un qui aimait écrire et j'écrivais régulièrement. Et lorsqu'on écrit, on a quelque chose de très sentimental. Et comme j'avais fait des études concernant l'esthétique dans la littérature, dans le Coran, ainsi de suite, je prenais tout cela de façon très sérieuse, uniquement pour y penser et en écrire. J'avais peur de dormir pour ne pas me réveiller le matin. Mais où aller? Qu'est-ce que Mahomet a fait? Mahomet avait dit, tout ce que vous faites, il y a déjà une origine pour ça. C'est un verset dans le Coran. Qui parle de tous les musulmans qui sont condamnés d'aller pour un certain temps en enfer. Je me suis dit, si Mahomet et ses partisans vont aller en enfer, où est-ce que je vais être moi-même? Parce que ses partisans lui ont posé une question. Même toi, le messager du Seigneur, tu vas aller en enfer. Il a dit, même moi, je dois y aller. Jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu me touche. Donc, c'était le troisième choc pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de salut. Et il n'y a pas une vie en islam. Et la fin n'est pas du tout garantie. De l'autre côté, est-ce que juste vous pourriez redonner le verset? C'est un verset du Coran ou c'est un hadith? Donc, il n'y a personne d'entre vous qui ne va pas passer par ce chemin. Donc, les partisans de Mahomet lui ont posé la question, que signifie ce verset? Il a expliqué ce verset. Il leur a dit, cela veut dire que vous allez tous aller en enfer. Et à ce moment-là, ils lui ont posé la question, et vous aussi, messager du Seigneur? Et il a dit, mais moi aussi. Jusqu'au moment où je serai touché par la miséricorde de Dieu. Bon. Merci. لا يوجد إذن نهاية في الإسلام. لا توجد نهاية. لا يوجد سعادة ولا. Donc il n'y a pas une fin heureuse en islam. في الأزر سايد بدأ تعامل ربنا معايا. De l'autre côté, le Seigneur a commencé à avoir des relations avec moi. بدأت رحمته تظهر لي. Sa miséricorde a commencé à m'apparaître. يرسل إلي إشارات. Il m'envoyait des signes. ولما بنكون صافيين أصفياء القلب. Lorsqu'on a le cœur pur. نقدر تلتقط هذه الإشارات. On peut facilement avoir contact avec ces signes. كانت إشارة منهم إن أنا ركبت مع صديق مسيحي سيارته. Un de ces signes s'est passé, c'est que je suis allé avec un ami chrétien dans sa voiture. وبعدين حط لي ترانيم وشرايط لبابا شنودة. Il m'a mis dans la cassette des hymnes et des prêches du pape Shenouda. Et j'ai vu que sa voix était tellement belle. Comme s'il m'invitait à quelque chose de très beau. C'était une certaine lueur de lumière pour moi. Une autre lueur de lumière. Il y a une employée chez moi au bureau. Elle m'a dit, je veux vous envoyer chez le prêtre Abdelmassih. pour qu'il puisse faire une prière à votre intention. Je suis allé avec elle dans un petit village très loin dans le désert. Et un homme très simple est venu me voir. On ne peut pas savoir si c'était un prêtre ou non, c'était un homme très très très simple. Je l'ai regardé avec un certain dédain. Qui est ce monsieur qui va faire une prière à mon intention? Mais ce simple bonhomme, à peine a-t-il mis sa main sur ma tête et a commencé à prier, j'ai eu une certaine paix terrible au sein de moi-même. J'ai cru que je devais avoir une certaine beauté de cette prière. Comme si j'avais goûté la beauté. J'ai voulu lui donner de l'argent, il a refusé. Il m'a répondu, nous ne vendons pas notre foi avec de l'argent. Je savais très bien qu'il était un homme ignorant, qui n'avait pas fait beaucoup d'instructions. Et moi, j'étais à ce moment-là doyen d'une faculté de théologie islamique. Mais je l'ai envié. J'ai souhaité être à sa place. J'ai bien souhaité être un serviteur dans son église. Afin que je puisse me jouir de cette beauté dans son église. Et plus je m'approchais du christianisme, plus je m'éloignais de l'islam. Mais c'était un conflit terrible. C'était vraiment très fort ce conflit. J'ai beaucoup souffert de ce conflit. Ainsi, ma famille a souffert beaucoup avec moi. Ainsi que pour mes étudiants et étudiantes. فأنا لا أستطيع أن أصطدم بالمجتمع. Moi, je ne peux pas affronter la société égyptienne. فجأة جاءتني دعوة للذهاب إلى السعودية. Et sans attendre quelque chose, j'ai eu une invitation pour aller me rendre en Arabie Saoudite. فرحت لأنني سأذهب إلى الأماكن المقدسة. J'étais tellement content d'y aller parce que là-bas il y a les lieux saints de l'islam. قلت لنفسي الحمد لله ربنا يريد انك تسترد اسلامك. Je me suis dit peut-être le Seigneur voulait bien que je retrouve mon islam. لكن ما اعجب احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. Le Seigneur a ses propres chemins à me montrer. كان يذهب بي الى الاماكن المقدسه في السعوديه. Il m'a amené pour aller voir les lieux saints en Arabie Saoudite. ليضع المسمار الاخير في نعش اسلامي. Afin qu'il mette un point final dans mon islam. لانني عندما ذهبت الى هناك. Parce que lorsque je suis allé là-bas. ذهبت الى الكعبه. Je suis allé à la Mecque, la Kaaba. والى المدينه. Et à Médine. محمد où Mahomet est enterré à la Mecque, la Kaaba, j'ai refusé d'embrasser la pierre noire parce que c'est impossible que nous embrassions une pierre pour entrer au paradis comme Mahomet le dit. Mais quand même, j'ai surmonté ce sentiment. J'ai vu des milliers de personnes qui tentaient d'arriver et de toucher cette pierre. Je me suis dit, est-ce que je suis supérieur à tous ces gens? Est-ce que je suis quelqu'un qui comprend plus que ces gens? Eh bien, je suis arrivé à cette pierre. J'ai mis mes mains sur la pierre et je me suis approché pour l'embrasser, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de crachats sur cette pierre. À ce moment-là, j'étais dégoûté. Je me suis retenu. Je n'ai pas pu. J'ai commencé à pleurer. كأن الله يرفضني. Comme si le Seigneur me refusait. قلت لو لم يرفضني كان خلاني زيهم. Je me suis dit s'il ne me refusait pas, il aurait pu me laisser faire comme eux. بعدين صوت يقول لي دول حمير. Et j'ai eu une intuition quelconque qui me dit ce sont des gens, ce sont des saints, des idiots, des stupides. قلت له اعملني حمار زيهم. Je me suis dit mais faites-moi comme eux, stupides. بس المهم اقتل الأسئلة. Mais je voudrais tuer toutes les questions, toutes les interrogations que j'ai. Et je voudrais éteindre le feu qui est en moi-même. En cherchant le vrai Dieu. Combien de fois j'ai pleuré à la Kaaba. Seigneur, où es-tu? Qui es-tu? J'ai pleuré beaucoup. من أنت؟ Je l'ai sollicité, je lui demandais, هل معقول أنت الإله الذي تأمر هؤلاء الناس؟ Est-ce que c'est vrai que tu es ce Dieu qui ordonne à ces gens de venir embrasser cette pierre؟ هل أنت تأمر الناس أن يعبدوا الحجارة؟ Est-ce que c'est toi qui demandes aux gens d'adorer les pierres؟ مستحيل. C'est impossible. عدت إلى محمد في المدينة. Je suis allé chez Mahomet où Mahomet est enterré à Médine. علّه يقوم. Il se peut qu'il puisse m'inspirer quelque chose, qu'il se réveille, qu'il se ressuscite. ويكلمني. Et me parler. لكنه لم يتكلم. Mais il n'a rien fait. ثم الشيء الأعجب أيضا. Ce qui est encore beaucoup plus étonnant. أن أخلاق الإخوة السعوديين. C'est que le caractère des frères saoudiens. دول المفروض أحفاد النبي. Qui devaient être les meilleurs puisqu'ils sont les descendants du prophète. دول المفروض أخلاقهم تكون لو النبي حلو يكون أخلاقهم حلوة. Si le prophète était un bon homme, il devait être encore supérieur à lui parce qu'ils sont ses descendants. لا تنظروا إلى أخلاقهم هنا عندكم. Ne regardez pas les Saoudiens qui arrivent ici chez vous en Europe. عايز تعرفهم روح لهم هنا. Si vous voulez les connaître, allez vivre avec eux un petit peu sur place. هيشيلوا الماسك اللي بيحطوه لما بيجوا دول الغرب. Ils vont faire tomber le masque qu'ils mettent sur leur visage lorsqu'ils viennent en Europe. لكن روح شوفهم هناك. Il faut aller les voir sur place. يحتقرون أي إنسان. Ils détestent n'importe quelle personne. لا يؤمنون بأي حق لأي إنسان. Ils n'accordent aucun droit à n'importe quelle personne. كم من المرات كنت أشهد إنهم يمسكوا المسيحيين. Combien de fois j'ai vu qu'ils arrêtaient les chrétiens dans la rue. Ils leur demandaient pourquoi tu ne vas pas prier. Ils lui disaient moi je suis chrétien. Kafir. Mécréant. Et tu viens ici, tu es un mécréant et tu viens ici travailler chez nous. Et lui enlever la carte d'identité. Et la carte d'identité était distincte avec une couleur brune. Alors que l'identité des musulmans était verte. Donc les mécréants avaient carte d'identité différente. Donc ils prenaient la carte d'identité. Et ils mettaient ça par terre. Et la feuilletaient avec ses pieds. J'ai beaucoup souffert lorsque je voyais ces scènes. Et je suis entré dans des conflits avec les Saoudiens à cause de ça. Donc en 1999, lorsque je suis revenu de l'Arabie Saoudite, vraiment j'ai souffert en amertume. À ce moment-là, l'islam n'existait plus dans mon cœur. L'islam n'est pas un vrai. Pour moi, l'islam n'était plus une vraie religion. J'ai vu les gens. Et j'ai vu les pierres. Et j'ai vu la Kaaba à la Mecque. Donc, je suis retourné en Égypte sans islam. Mais il m'était tellement difficile de devenir chrétien. J'ai eu besoin d'un miracle. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal de promotions dans ma vie académique. Et comme si le diable ne voulait pas que je pose des questions. Il voulait bien que je me taise. Et ma recherche du Seigneur. Et mon rapprochement des chrétiens. Jusqu'au moment où c'était en 2001. Et j'ai entendu في شهر أغسطس صوتا. J'ai eu une voix au mois d'août en 2001 qui me dit « Viens, va en Amérique. Tu vas me trouver là-bas. » Alors que moi, je me suis rendu en Amérique plusieurs fois avant et je n'aimais pas du tout voyager et aller dans ce pays. Je suis allé après avoir obtenu une insistance de la part du recteur de l'université. Je suis arrivé en Amérique le 19-8-2001. Faites attention aux dates. Je suis allé chez ma sœur qui habite en Virginie. Ma sœur était chez nous en Égypte trois mois plus tôt. Elle était tellement étonnée de me voir arriver en Amérique. Je lui ai dit, je viens ici pour passer des jours de vacances et je veux retourner en Égypte. Chaque jour, je demandais au Seigneur, où est-ce que tu es? Je criais, je regardais le ciel, mais il n'y avait pas de réponse. Jusqu'au moment où il y a un moment est venu, j'ai demandé au recteur de l'université de prolonger mes vacances de deux semaines. Il m'a dit il faut revenir le plus vite possible. Parce que l'année universitaire vient de commencer. Je suis allé avec mon gendre, avec mon beau-frère, pour réserver un ticket. كان ذلك يوم الاثنين 10 سبتمبر 2001. C'était lundi 10 septembre 2011. وقفت أبكي وأعاتب الله. J'ai commencé à pleurer et à me plaindre auprès du Seigneur. أقول له أنت تضحك علي. Je lui ai dit, toi, tu te moques de moi. قلت لي تعالى هتشوفني في أمريكا والآن أنا راجع. Tu m'as dit, viens, je veux te voir en Amérique et maintenant je suis forcé de rentrer. Tout était réservé. Je devais rentrer le 13 septembre. À peine suis-je arrivé à la maison, en pleurant. Je suis allé au lit de bonheur. Le lendemain, et peut-être le Seigneur, le Dieu des cieux de l'univers, a fait un des plus grands miracles pour moi. كانت أحداث سبتمبر. Il y a eu les attentats du 11 septembre. أنا سبب أحداث سبتمبر. Moi, je me considère comme la cause des attentats. أنا أصدق أن الله صنع هذا من أجلي. Moi, je crois que le Seigneur a fait ça pour moi. أنا أصدق إني لو رجعت مصر في ذلك الوقت لم أكن لأعرفه. Moi, je crois que si j'étais retourné en Égypte avant ça, je n'aurais jamais pu découvrir le Seigneur. لكنه استوقفني بمعجزة. Mais il m'a laissé, il m'a retardé, il a retardé mon voyage avec un miracle. صحيح هناك 4000 قتيل. Il est qu'il y a eu 4000 victimes dans ces attentats. لكنه أيقظني وأخرجني من الموت. Mais il m'a réveillé et il m'a sauvé de la mort. بهذه المعجزة. Avec ce miracle. وأرسلني. Il m'a envoyé afin de parler en son nom et d'annoncer sa parole dans le monde. Le lendemain des attentats du 11 septembre, c'était une tragédie dans le monde entier. Mais j'ai trouvé dans les télévisions arabes des scènes de joie. وحزنت أن تكون مشاعر الإنسانية بهذه الطريقة. Et j'étais tellement triste de voir que les sentiments de ces gens se manifestent de cette manière. ويبدو أنه كانت النهاية للإسلام داخلي. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était la fin de l'islam. وجدت بحركة لا إرادية. J'ai trouvé ça avec un mouvement si vous voulez, involontaire. أخذ دليل التليفونات من على مكتب من على الكافو تيبل عند أختي. J'ai pris le guide téléphonique chez ma sœur. بالعربي. Un guide téléphonique en arabe. وأخذت كتبت رقم تليفون كنيستين. Et j'ai noté le numéro de téléphone de deux églises arabes. وأنا مش عارف بعمل كده ليه. Et je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça. أنا استغربت. J'étais vraiment étonné d'avoir fait ça. Mais quand même, il y avait une force terrible qui me poussait à le faire. J'étais comme une poupée avec laquelle on joue. Je n'avais plus la maîtrise de moi-même. Le lendemain, c'était mercredi, le 12 septembre. معايا رقمين في في بيجيبي. J'avais les deux numéros de téléphone dans ma poche. Les canistin. Pour deux églises. Kanisa à Washington. Une église qui se trouvait à Washington. Wa kanisa à Maryland. Et une autre église à Maryland. Kallamt el kanisa el oula fi Washington. J'ai essayé d'appeler la première église à Washington. Taban min telefon barra bit oukhti ma qadrtch nkellem. Bien sûr, d'une cabine téléphonique en dehors de la maison de ma sœur. Walakin laqit voicemail. Mais j'ai trouvé un répondeur. Je me suis dit, il n'y a pas d'espoir. Mais avec l'autre numéro de téléphone, je suis allé le matin, je suis allé le soir à 7h. La première fois j'ai appelé, c'était à 1h d'après-midi. Et la deuxième fois je suis allé téléphoner pour téléphoner, c'était à 7h le soir. Et donc, je me suis éloigné de la maison de ma sœur il y a 5 minutes à pied. De la maison jusqu'à la cabine téléphonique. Mais pour moi, c'était à peu près 3 km ou 5 km. Je ne savais pas comment arriver à la cabine. Mais je suis arrivé quand même. Au cours de la deuxième communication téléphonique. J'attendais à avoir un répondeur. Et voir que j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. Et avec cela, je pouvais mettre un terme au conflit que j'avais en moi-même. Mais j'ai entendu une très belle voix. C'était un pasteur syrien. اسمه موسى جوزيف موسى. S'appelait le pasteur Moussa Joseph Moussa. قال لي. Il m'a dit. أهلا حبيبي. Mon cher bien, la bienvenue. وما أن سمعت كلمة حبيبي. À peine j'ai entendu le mot mon cher. حتى أحسست بإني حد بيحملني من على الأرض. J'ai senti comme il y a quelqu'un qui me prenait avec ses bras. قلت هذا الصوت ليس الإنسان. Je me suis dit, c'est pas une voix humaine. هذا الصوت إله حقيقي. C'est la voix de quelqu'un qui parle au nom du Seigneur. الرب يتكلم إليك يا محمد الآن. C'est le Seigneur qui te parle maintenant. قلت له أنا فلان وعندي شهادات وأعمل. Je me suis présenté, j'ai parlé de ma vie, de ma carrière, de ma profession, du statut que j'avais. عندي كل شيء. J'ai tout ce qu'il faut. لكني أبحث عن الإله الحقيقي. Mais je suis à la recherche du véritable Seigneur. قال لي الرب يسوع. Il m'a répondu, c'est le Seigneur Jésus. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il peut m'accepter? À peine j'ai dit, est-ce qu'il peut m'accepter? J'ai senti une force en moi-même. Il m'a demandé, le pasteur, prie avec moi. Je me suis dit, mais comment je vais prier et devenir chrétien? Moi qui en forme les imams des mosquées. Moi je suis un des responsables. C'est difficile pour moi. Mais le Seigneur est apparu en ce moment à moi. J'ai vu le Seigneur à travers la cabine téléphonique. Comme s'il était là devant moi. En pleine nuit, j'ai vu sa lumière. L'endroit était vraiment en lumière. C'était très beau. vraiment excellent la lumière. وَمِثْلَمَا رَآهُ شَاوِلْ وَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ. Comme Saint Paul l'avait vu, Saint Paul est tombé par terre lorsqu'il a vu la lumière du Seigneur. تَحَمَلْتُ. J'ai tenté. وَقَالَ لِي بَحَبَّكَ. D'entendre sa voix et son amour. Et le pasteur qui était au téléphone était en train de prier avec moi. Et je répétais la prière avec lui de façon inconsciente. En quelques moments vraiment très sacrés, j'ai vu le ciel qui s'ouvrait devant moi. Et le Seigneur venait me prendre. ما أروعه. Comme il était tellement beau. سلمت نفسي للرب يسوع في هذه الساعة. C'est à ce moment-là que je me suis livré au Seigneur. رددت الصلاة وراء القس موسى. J'ai répété de nouveau la prière avec le pasteur موسى. وقلت يا رب يسوع المسيح. Je dis Seigneur Jésus-Christ. أنت إلهي ومخلصي. Toi tu es mon Seigneur et mon Sauveur. اقبلني يا رب. Accepte-moi Seigneur. وأنا أتبعك يا رب. Et je vais te suivre là où tu veux. أحبك يا رب. Je t'aime, Seigneur. وأنا أريد أن أكون معك في الأبد. Et je voudrais être avec toi jusqu'à l'éternité. وما أن حطيت سماعة التليفون. À peine j'ai raccroché. ورأيت دموعي تغطي جسمي. Mes larmes versées sur moi-même. بشكل لا يصدق. De façon incroyable. أحسست أنني أخيرا أمسك الإله بيدي. Tiens le Seigneur dans mes mains. انطلقت إلى بيت أختي. Je suis retourné à la maison de ma sœur. لا أريد ماسك إلهي. En croyant que le Seigneur est avec moi. لا أريد أن أترك من يدي. Je ne voulais pas le laisser tout seul. سرت بين السيارات كطفل يلعب. Je marchais entre les voitures comme un enfant qui jouait. كنت قد ولدت في هذه الساعة فعلا. C'est à ce moment-là que je me suis senti né de nouveau. أنتم لم تجربوا هذه الولادة. Vous n'avez pas tenté, essayé cette naissance. أنا جربتها. Moi, je l'ai tenté, je l'ai essayé, je l'ai vécu. لأنني قادم من الظلمة. Parce que moi, je viens de l'obscurité. لأنني عشت في قبر الإسلام. Parce que j'ai vécu dans le cimetière de l'islam. لأنني كنت أتبع الشيطان. Parce que je suivais le diable. وفجأة. Et soudain. يتجلى النور لي. J'ai vu la lumière. ويختارني. Et le Seigneur me choisit. سرت في الشارع مجنونا. Je marchais dans la rue comme un fou, comme un petit enfant. En entrant dans la maison de ma sœur, je voulais rester tout seul. Je ne voulais pas parler avec les autres, je voulais me garder uniquement avec le Seigneur. Vous savez très bien, lorsqu'un fiancé et sa fiancée se trouvent ensemble, c'était beaucoup plus beau que dans une situation pareille. Vous savez très bien comment les fiancés se trouvent ensemble. Les heures passent comme si c'était des minutes. J'ai passé toute la nuit avec le Seigneur. Je me suis couvert le visage pour rester seul avec lui. Et je suis resté avec lui. Comme le temps était tellement beau. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une vision. رأيت جثتي في البحر. J'ai vu dans un rêve mon cadavre dans l'eau. وجاء البوليس وأخرج الجثة. Et la police est venue et a tiré mon cadavre. وأنا واقف مرتديا بدلتي. Et moi qui étais à côté, je tenais, j'étais bien costumé. والبوليس يقول لي وجدنا جثتك هنا. Et le policier me disait on a votre cadavre ici. Je lui dis, mais moi je suis vivant.